J'aime pas le rap. Et les étiquettes qu'on t'aggrave, on t'achera pas la grappe. Si t'as pas fait tout un tas de graves, mec, c'est trop grave. Fais bellec rétrograde, tu vas manger trop de baffes par ceux qui ont des gros grades. Que mes détracteurs et le bonheur d'être acteur. Même si ma carrière avance à la vitesse des tracteurs, ma rime étincelle comme un moteur de réacteur et n'a pas l'odeur des selles d'un docteur de réacteur. Leur beat est fast B, clip est aspect. C'est vite fait casper, on équipe des aspects. Vite digne de Casper, je suis le king des caspés. À ce qui m'exaspère, je mets le kick de Gaspé. Qui kiffe qui kill qui, je m'en bats les couilles et les steaks. Moi tout ce que je veux c'est couiller les steaks. T'as vu le rap, c'est une grande famille. Tout le monde encule tout le monde et les morpions fourmis. Jérémy, je pense à ça. Tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup d'homosexuels dans le public? Le rap m'a saoulé, à part les boules et poulets. À part les sous, les moules et poules, pas de classe pour les bourrelets. Et quand la foule a déboulé, caché les boulets tous les. Le rap m'a saoulé, je vais couler tous les foulets dans la foulée. Le rap m'a saoulé, à part les boules et poulets. À part les sous, les moules et poules, pas de place pour les bourrelets. Et quand la foule a déboulé, caché les boulets tous les. Le rap m'a saoulé, je vais couler tous les foulets dans la foulée. Mensonge, trahison, et plus si affinité. Des MC qu'on trahit le son, y'en a une infinité. Pourquoi cette aridité, en as-tu une infimité? L'avidité freine le rap d'initié comme une infirmité. Tout en conformité, ça donne des conformidables. Des buts conforniqués pour un conforminable. Hélas, c'est la Kellogg's, tout le monde dit c'est moi Kellogg's. Le tigre en moi, la Kellogg's, ça se claque contre la Kellogg's. Avant, y'avait des mecs qui parlaient de rue, qui parlaient cru. Maintenant des mecs parlent de ces mecs en disant qu'ils ont rien vécu. À peine que l'homme est battu, les accuse de récup. Contre le vécu et ce qu'il véhicule, y'a plus de trous qu'à la sécu. Je pousse la bulle et parle de ceux qui parlent de ceux du début. Comme si leur but était de les débuts jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Mais putain on s'en tape, donc big up à mes crépus. Ça marche comme un rébus. Si t'es perdu, mais au début. Le rap m'a saoulé, à part les boules et poulets. À part les sous, les moules et poules, pas de place pour les bourrelets. Et quand la foule a déboulé, caché les boules et tous les. Le rap m'a saoulé, je vais couler tous les foulets dans la foulée. J'aime pas le rap, depuis qu'ils me disent ce que je dois faire. À savoir avoir l'air sévère, mais gamelle-toi tes affaires. En faisant son, je sais pas si j'avance dans le bon sens. Fais que refaire ce qui a été fait, mais au moins j'en ai conscience. Le rap me dégoûte, rien de nouveau dans ce que j'écoute. Si tu te sens visé, rien à foutre, y'a bien une cause à tes doutes. Et rien à preuve du reste, et de ces bestes qui se détestent. Nord, sud, ouest, est, que des bêtes qui se testent. Les bêtes qui testent, te plaît, je t'avais jamais vu. Mais il paraît que les wack, tu les as déjà jamais vu. Waouh, putain c'est chiant mais je suis ravi de l'apprendre. Mais fais gaffe, ta place, des gars voudraient vite l'apprendre. Le milieu rap souffre d'un gros manque d'humilité. Il est temps qu'il souffre, y'a des traces d'humilité. En France, le hip-hop pas trop de séquelles. Qu'un rit, et quand tu cries, oula, t'étonne pas si quelqu'un rit. Le rap m'a saoulé, à part les boules et poulets. À part les sous, les moules et poules, pas de classe pour les bourrelets. Et quand la foule a déboulé, caché les boules et tous les. Le rap m'a saoulé, je vais couler tous les foulets dans la foulée. Le rap m'a saoulé, à part les boules et poulets. À part les sous, les moules et poules, pas de place pour les bourrelets. Et quand la foule a déboulé, caché les boules et tous les. Le rap m'a saoulé, je vais couler tous les foulets dans la foulée. Le rap m'a saoulé, à part les boules et poulets. À part les sous, les moules et poules, pas de classe pour les bourrelets. Et quand la foule a déboulé, caché les boules et tous les. Le rap m'a saoulé, je vais couler tous les foulets dans la foulée. Le rap m'a saoulé, à part les boules et poulets. À part les sous, les moules et poules, pas de place pour les bourrelets. Et quand la foule a déboulé, caché les boules et tous les. Le rap m'a saoulé, je vais couler tous les foulets dans la foulée.